إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on se réunit donc aujourd'hui pour cette deuxième assise du mois de Ramadan. Et comme cela a été annoncé, on va parler aujourd'hui de l'intention. Car l'intention, comme vous le savez, elle est indispensable car c'est une condition de validité de ton jeûne, tout comme de l'ensemble des adorations. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention, comme cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, d'après le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. L'intention, c'est donc une condition de validité de ton jeûne. Mais il est important de savoir que lorsque l'on parle de l'intention, on peut l'aborder de différentes manières. Les savants du fiqh, les savants de la jurisprudence, lorsqu'ils parlent de l'intention, ils parlent de l'intention de l'acte. C'est-à-dire que tu as l'intention d'accomplir tel ou tel acte, comme le jeûne par exemple. Et les savants de la croyance, les savants de l'aqida, les savants du tawhid, lorsqu'ils parlent de l'intention, ils parlent de ce qui te motive à faire l'acte. Pourquoi as-tu accompli cet acte? Pour qui as-tu accompli cet acte? L'accomplis-tu sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'as-tu accompli pour autre que cela? Pour rechercher les éloges des gens, pour rechercher leurs compliments? Ou bien encore, jeûnes-tu pour faire comme tes amis ou comme ta famille, ou autre encore intention mauvaise qui sont la cause de l'absence de récompense pour le serviteur. Donc lorsque tu jeûnes premièrement, tu dois accomplir ce jeûne sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc ceci concerne l'intention d'un point de vue de la croyance, d'un point de vue du tawhid. À qui dois-tu vouer ton acte? Pour qui accomplis-tu ce jeûne? Et ceci concerne donc la sincérité, qui est une condition de validité de l'ensemble de tes œuvres. Et on traitera de ce point, incha'Allahu ta'ala, dans une prochaine assise, durant ce mois. D'un point de vue de la jurisprudence, l'intention, elle te permet de différencier entre les adorations et les actes ordinaires. Et elle te permet également de différencier entre les adorations les unes des autres. C'est-à-dire que tu vas différencier entre une prière obligatoire et une prière surérogatoire de par ton intention. Et de la même manière pour le jeûne. Donc, en ce qui concerne le jeûne obligatoire, comme le jeûne du mois de Ramadan, il est indispensable que cette intention ait lieu durant la nuit. C'est-à-dire que durant la nuit, tu dois avoir la ferme volonté de jeûner dès le lever de l'aube. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Donc, dès le début de la journée, tu dois avoir l'intention de jeûner. Et cette intention, tu as dû l'avoir depuis la nuit, que ce soit pour le jeûne de Ramadan ou encore pour le rattrapage ou autre forme de jeûne obligatoire. Cette intention donc, elle doit avoir la nuit, que ce soit au début de la nuit, comme après l'Aïcha, au milieu de la nuit, ou encore en fin de nuit ou juste avant l'aube, lorsque tu prends le suhur. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant le lever de l'aube, avant le lever du fajr, alors il n'a pas de jeûne. Et dans une autre version, d'après Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, d'après Hafsa radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant l'aube, avant le fajr, alors il n'a pas de jeûne. Et dans une autre version, celui qui n'a pas l'intention du jeûne durant la nuit, alors il n'a pas de jeûne. Donc, il est indispensable que tu aies l'intention de jeûner durant la nuit. Pourquoi ? Car le jeûne est obligatoire l'ensemble de la journée, dès le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, si tu n'as pas cette intention durant la nuit, il va passer une partie du jour sans que tu aies eu l'intention de jeûner. Donc, ton jeûne ne pourra pas être valide, car il est obligatoire durant l'ensemble du jour, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et est-ce que cette intention est obligatoire durant le mois de Ramadan, chaque nuit, ou bien une seule intention suffit pour tout le mois? La réponse est qu'une seule intention suffit pour tout le mois. Car il n'y a pas de doute que tout musulman qui atteint le mois de Ramadan, il a l'intention de le jeûner en entier. Il n'a pas l'intention de jeûner une partie des jours et d'en délaisser une autre. Tout musulman, lorsque le mois de Ramadan arrive, il a l'intention de le jeûner dans son intégralité. Cependant, il est important de signaler que ceci devient obligatoire pour celui qui a une excuse lui permettant de rompre son jeûne. C'est-à-dire que le voyageur, ou celui qui est malade et qui a une maladie lui permettant de rompre son jeûne, lorsqu'il souhaite recommencer le jeûne, alors il est indispensable pour lui d'avoir cette intention durant la nuit, avant le lever de l'aube. On va donner un exemple pour clarifier la situation. Un voyageur a rompu son jeûne. Lorsque le soir arrive, il ne sait pas s'il va jeûner le lendemain car il est encore en voyage. Et il se dit: je verrai selon ma fatigue si je jeûne ou pas. Il se lève le matin, il fait le fajr, il n'a pas l'intention de jeûner. Puis, lorsque vient le moment du dhuhr, il se dit: en fait, je n'ai toujours pas mangé, je n'ai pas bu, alors je vais jeûner. Alors celui-ci, son jeûne n'est pas valide. Donc le voyageur, s'il a rompu son jeûne pour cause de son voyage, ou le malade, s'il a rompu son jeûne pour cause de maladie, alors il est indispensable, au moment où il souhaite reprendre le jeûne du mois de Ramadan, qu'il ait l'intention de jeûner avant l'aube, avant le lever du fajr, c'est-à-dire durant la nuit. Et comment se traduit cette intention? On a vu que l'intention, elle est obligatoire dans l'ensemble des adorations, et notamment pour le jeûne. Mais comment se traduit-elle? Est-ce que c'est une phrase que tu dois prononcer? Est-ce que c'est une chose à dire? La réponse est non. Mais cette intention, elle se trouve dans ton cœur. Il est interdit de prononcer l'intention. Car ceci n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il n'est pas rapporté qu'il disait: j'ai l'intention de jeûner demain, ou j'ai l'intention d'accomplir telle ou telle prière, ou autre encore forme de prononciation de l'intention. Tout ceci est considéré comme innovation instaurée en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre sera rejetée. Donc si l'intention n'est pas prononcée, en quoi consiste cette intention? La réponse est que cette intention, c'est la ferme volonté que tu as d'accomplir un acte. Et pour le jeûne, c'est la ferme intention de jeûner le lendemain. Et il suffit pour cela de manger et de boire durant la nuit avec l'intention de jeûner le lendemain. Comme l'ont dit les savants, lorsque tu manges le soir, la veille du jeûne, tu ne manges pas de la même manière que tu manges lorsque tu ne jeûnes pas. Par exemple, on va différencier entre le repas du soir, une nuit de Ramadan, et le repas du soir, la veille de l'Aïd. Tu ne manges pas de la même manière. Donc ce repas que tu prends le soir, d'une manière particulière, parce que tu sais que tu vas jeûner le lendemain, ceci est ton intention de jeûner. Et ceci est suffisant comme intention. Si tu manges de cette manière, en sachant que le lendemain c'est le Ramadan, que c'est un jour de Ramadan, ou que tu souhaites jeûner, alors ceci est suffisant comme intention. De la même manière, le fait que tu mettes ton réveil avant le fajr plutôt que d'habitude, ceci est une intention et ceci est suffisant pour intention. Donc l'intention, elle ne doit pas être prononcée et elle doit avoir lieu durant la nuit. Et elle se traduit par des actes que tu accomplis seulement lorsque tu jeûnes, comme le fait d'accomplir un repas particulier, de mettre ton réveil un peu plus tôt, ou autre encore, chose que tu accomplis lorsque tu jeûnes. Ceci concerne donc le jeûne obligatoire. Quant au jeûne surérogatoire, il est permis d'en avoir l'intention durant la journée. Si la personne n'a pas accompli une chose s'opposant au jeûne depuis le lever de l'aube, comme le fait de manger, de boire ou autre. Et ce d'après le hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu un jour et a dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Alors, nous lui répondîmes non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Je suis donc jeûneur. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de la nourriture, c'est qu'il n'était pas en état de jeûne et il n'avait pas l'intention de jeûner. Et lorsqu'ils l'ont informé qu'il n'y avait pas de nourriture, il a donc dit « Je suis alors jeûneur ». C'est-à-dire qu'il a commencé à jeûner à ce moment-là, durant la journée. Ce hadith est une preuve qu'il est valide d'avoir l'intention de jeûner en cours de journée pour le jeûne surérogatoire. Ceci est donc spécifique au jeûne surérogatoire et ne s'applique pas au jeûne obligatoire pour lequel on applique l'autre hadith que l'on a mentionné précédemment. Celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant l'aube ou durant la nuit, alors il n'a pas de jeûne. Ceci concerne donc le jeûne obligatoire. Quant au jeûne surérogatoire, il est permis d'en avoir l'intention durant la journée, à condition que la personne n'ait accompli aucune chose annulant le jeûne, comme le fait de manger ou boire avant d'en avoir l'intention, et que ce jeûne soit un jeûne donc surérogatoire, comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis alors jeûneur. Ceci est un résumé de différentes questions concernant l'intention durant le jeûne. Et comme on l'a vu, l'intention est de deux sortes. Et cette intention dont on a parlé ici est l'intention qui est liée à l'acte. L'intention de l'acte. L'intention de jeûner. Et quant à l'intention de pour qui tu accomplis cet acte, l'intention de qu'est-ce qui te motive à accomplir cet acte, ceci concerne donc ce que l'on appelle al-ikhlas, la sincérité, qui est également une condition de validité de l'ensemble de tes œuvres et que nous traiterons dans une prochaine assise, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le jeûne durant ces jours ainsi que la prière durant ces nuits. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.